Yes. Hop, on baisse un peu. Ouais, les deux morceaux s'enchaînaient pas mal. Consécutifs, ouais. Consécutifs. Ça marche bien. Ouais. Donc c'était. Donc on a. Ouais, Eye of the Storm avant ça, et là c'était la, un remix, je sais pas quoi, de la BO de Knight Rider, donc K2000. En français, K2000. Une série que tu ne connaissais pas. Ouais. Donc, avec une très très belle voiture, je conseille. Très belle voiture, intelligente. De très bons avis. T'as un coup de fil. Oula, c'est pas grave, ouais. C'est pas grave, t'inquiète. Bah, tu peux le prendre hein, si jamais non, c'est non, important. Non, on va. En ces temps incertains et. C'est incertain, il faut peut-être. On va s'en passer. Je respecte ta radio, je respecte ton émission, Nico. Bon, ok. J'esquive. David Hasselhoff, et c'est tout. Qui a joué après dans Malibu Beach. Oh, voilà. Sympa ça. Voilà. Ouais. Très sympa. Très très très sympa. J'ai découvert ce morceau par hasard. Voilà. En regardant la série du coup. Non. Pas du tout. Ah oui, on voulait mettre le on peut mettre ça, on peut mettre le thème original le générique de la série pour confirmer que c'est bien ça. Voilà. Plein de vitesse et de sensations apparemment. Ouais. Ouais. Donc c'est... Ok, d'accord, c'est, si, ça. C'est bon. C'est pas ça, mais ça je remets totalement par contre. Ah. Bah si, c'est ça. Ouais, si, c'est ça. Ouais. Putain, la voiture est incroyable. On attend juste le... Ah mais non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah ouais. Ok, oh, c'est bon. Quelle classe. C'est un peu adapté quoi, le thème. Oui. J'aime beaucoup le... J'aime pas trop le générique, j'aime beaucoup le remix. J'aime bien le générique, moi. Ok. Enfin, le son du générique ou... En fait, la mélodie. Ok, d'accord. Enfin, ouais. Bien sûr. Bon, bref. Même si c'est la même, il y a une différence de rythme ou je sais pas quoi. Et tu préfères oui, celle... Oui, c'est la même, c'est pareil. Excuse-moi. Oui, non, oui, c'est pas grave. Avec Patricia McPherson. Ouais, très sympa aussi. Voilà, une série qui a duré, été diffusée... Enfin, dont le tournage s'est produit de 82 à 86. Quoi. Ok, pour info, je viens de lire ça sur je note, d'accord, sur Wiki. Mais bon, après, elle a été diffusée pendant très longtemps. Oui, oui. À regarder, hein, je conseille vivement. Ouais. Bah, apparemment, hein, apparemment ça a l'air beau esthétique. Donc, Ouais, bah, c'est une esthétique des dark. Années 80. Ouais. C'est pas si dark, hein, c'est plus. La voiture fait très dark, ça m'influence un peu. Tu vois, c'est très. Ah, mais non, mais là, c'est Mackay. Ouais. Bon, bref. Alors, on va mettre un autre morceau. Ouais. Ouais, ça te dit. Je sais pas, on peut rester un peu dans un thème électronique ou sinon vraiment. Bon, on fera la transition plus tard. Ouais. La transition plus tard. On peut mettre New Sand Waves. Ok, ouais, très bien. Eh ben, on met ça et puis on en parle après. On en parle ou après, pas. Ouais. Merci à tous. Bonne écoute. Ouais, bonne écoute. passe un truc après ou... C'est la fin là. C'est la fin, ouais, c'est la fin. Ah oui, encore un petit. Ouais. Mais bon, là on l'a déjà entendu de toute façon. Ouais. On connaît. New Sin Waves. Bien, bien cool. Ouais. C'est, un, c'est un vieux morceau alors ou c'est un truc. Non, non, c'est vieux, ouais. C'est vieux, ouais. Ok. Oui, c'est vrai que les voix et tout ça, ouais. ça fait assez. Et donc là, on va passer sur Daté. Un morceau emblématique du rap français. Du rap français. Du rap français, ouais. Ok, ouais. Le morceau sur, sans doute le plus mignon et le plus amoureux de tout le rap français. Ah, c'est celui qui passe jamais. Attends, c'est on va passer maintenant. Ouais, on peut attendre un peu. Bah après, j'ai pas grand-chose à dire, mis à part que c'est très très mignon, quoi. C'est, ok, c'est le morceau le plus mignon actuellement. Le plus quoi. Sympa. J'aimerais beaucoup entendre ça, quoi. Ok. Si. Qu'on s'adresse à moi et qu'on me dise ces belles choses. Ok, d'accord. Tu verras. Ok. Eh ben, on le met alors. On discute ça après ou ouais. Ouais, on en discute après, ouais. Ouais. Allez. Tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie. Mental sans drapaoli. Ma jolie, dis-moi que tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie. Mental sans drapaoli. Ma jolie, elle rend fou les hommes. Quand elle passe dans la zone, j'ai encore sa voix qui résonne. Qu'est-ce qu'elle est belle ma jolie. À personne elle ressemble. En plus j'aime bien son caractère. J'ai des sentiments il me semble. Mais j'y dis pas je suis trop terre-terre. Je l'aime bien cette girl. Crois bien que c'est mon coup de cœur. Elle se plaît que je reste au secteur. Pour moi elle a peur. Franchement t'es jolie. Et ce boule qui met dans l'insomnie. Je pense souvent à toi quand je m'ennuie. Et toi tu es comment sans moi. Je vois que tu me parles plus. Dis-moi qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qui t'a déplu. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi. Quand je la calcule pas elle fait pareil. Ma jolie elle attend que je sers. Ma jolie. Ma jolie, dis-moi que tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie, mental sans drapaoli. Ma jolie, dis-moi que tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie, mental sans drapaoli. Chaque fois qu'elle me voit souffrir. Quand elle me fait la tête, je vois mon cœur s'ouvrir. On se fait des bisous, on se fait des gâtés. Sa peau toute douce, elle me fait craquer. Mademoiselle, tu me tournes autour, ça fait longtemps. Laisse tomber, je suis avec ma jolie, je ne vois même plus passer le temps. Quand je vais la voir, je suis en Asie, sans calendrier. Tester mon bolide dans ma folie. Tu fais tester mon brolique. Et je m'affole, folle, folle. Faut que je reste zen, zen, zen. C'est ma drogue, j'en picole, colle, colle. Elle me donne des ailes, ailes, ailes. Ma jolie, faut que je reste solide. Ma jolie, faut que je reste solide. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Les yeux d'Angelina Jolie, mental sans drapaoli. Ma jolie, ma jolie, ma jolie, ma jolie, ma jolie, ma jolie, ma jolie, ma jolie, ma jolie. Dis-moi que tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie, mental sans drapaoli. Merci Tristan pour cette, cette perle de mignonnerie. Il n'y a aucun problème. Que de la mignonnerie, que du bonheur, très sensible. Que des choses qu'on a envie de. Que des bonnes choses. C'est, bah, c'est comme les, aussi, petits, les petites Mirabelles qui est à côté de Mirabelle. Moi. Tu vois, c'est, ça fait le même effet quand tu les croques. C'est, Bah, dis donc, sacré Mirabelle. C'est un plaisir. Ouais, bah, elles sont belles aussi. Ouais. Super, bah merci hein, d'avoir amené ce morceau. J'imagine qu'il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui sont assez semblables, mais il y a toujours quand même une petite particularité. Non, mais, oui, oui, mais que tu aimes, ça que je voulais dire. Ouais, ouais, pas, pas qu'ils sont semblables. Non, non, c'est pas enfin, le seul. Aussi, Ils sont, ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du coup Écoute, j'étais vraiment confondu par le effectivement, comme tu dis, la bienveillance, une sorte de naïveté, la naïveté un peu. De Jules, c'est la sincérité surtout. Voilà, en tout cas, la volonté d'être sincère, ouais, c'était très touchant, quoi. Vraiment très touchant. C'est très touchant. C'est vraiment désarmant, j'avoue. C'est alarmant aussi. C'est alarmant, ouais. De sincérité. Exactement. Non, mais c'est beau. C'est Jules, quoi. C'est chaloupé, c'est entraînant. Et c'est très, très gentil, surtout. c'est très gentil. Donc c'est reviens sur la gentillesse. Même, hein. C'est des rythmes qui... Non, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Jules, il vient de région parisienne. Il vient de Marseille. Il vient de Marseille. De Marseille, ouais. Ok. D'accord. Et c'est le plus grand... La plus grande pop star française, En ce moment, c'est un carton. C'est le plus grand vendeur de disques de l'histoire du rap français, je crois. Alors, c'est du rap français. Ouais, d'accord. Bah c'est considéré comme du rap français, ouais. Okay. Après, c'est un peu décalé, mais c'est... Ouais, ouais. C'est pas de la pop, c'est de la pop. En quelque sorte, oui, mais c'est quand même... Ça reste quand même dans le registre rap français. Ça, c'est incroyable, ouais. Bah après, c'est ce son-là, ok, un peu plus décalé, mais il a fait plein de sons vraiment rappés, quoi. D'accord. Sans mélodie ni rien, ça dépend. Ça dépend d'un son à l'autre, d'une humeur à l'autre. C'est... D'accord, je vois. Bon, non, mais ce morceau, je le réécouterai. Voilà. Ouais, je sais pas si je peux te croire, mais... c'est gentil de ta part, au moins, de... Non, mais quoi... Faut apprendre à le comprendre, quoi. Alors... Bon, ouais, ok. Faut apprendre à l'apprécier. Comprendre, c'est facile. Ou peut-être pas. Parce que comprendre la sincérité. En fait. Les musiques de Jules, c'est toujours comme ça. Tu vois, c'est des étapes en fait. Et au début, tu n'aimes pas trop. Après, tu aimes ça à la rigolade. Et après, tu finis par vraiment aimer toi-même. Ouais, et ça m'a fait le même effet. Mais là, j'ai tout en même temps, quoi. Ouais. J'ai à la fois la rigolade, l'émotion, et ouais, bien sûr. Peut-être faut que je laisse le temps. C'est un condensé de bonnes choses. Ouais. Ben, je te le incroyable. Souhaite. Merci pour cette petite perle. Bah, y a aucun souci. Merci à toi. Ouais. On va mettre un truc qui est français, mais qui est beaucoup plus, je sais pas comment dire. Bon, qui est aussi sincère, hein, j'imagine, mais moins joyeux et moins naïf. Bon, okay. C'est de la musique des années 80. D'accord. Bah, avec plaisir. Ça s'appelle Moderne, sans signalement. Tu veux voir. C'est un peu. Ça fait Kraftwerk français. Ok, d'accord. Bon, bah très bien, merci. Bien, merci à toi. Les entretiens de Grenoble, on revient tout de suite après ça. Merci. On est avec Tristan. Et bonne écoute. Bonne écoute. voit son corps. C'est une collection de tous ses charmes. C'est pour un décor. Du précédent, on comprend pas bien où il va en venir. C'est très froid et ça parle d'une rencontre froide. Quoi. C'est un peu moins mignon quand même. Hein. C'est un peu moins mignon. Ouais. C'est beaucoup mais moins c'est mignon. Agréable, mais un peu mais, moins mignon. Mais c'est en français. Bon, exactement. Bah, donc ça c'est cohérent avec le thème. Ouais. Le thème de l'émission. Mais il y a alors attends, il y a quand même ils ont fait un morceau qui est très mignon même s'il est froid. Alors je voulais juste. Peut-être si je peux le mettre vite fait. Donc c'est moderne. Ils ont fait un 45 tours. Voilà. Si je pouvais. Non, pardon. C'est. Ah oui, si. Moderne. Et le morceau que je voulais mettre, c'est indicatif. Bah c'est parti. C'est parti, ouais. Je le mets juste un petit peu. On en parle. En fait, je sais pas si tu connais William Scheller. Scheller. Si, ouais. Si. La voix ressemble un peu à okay, William d'accord. Scheller. C'est vrai. On va voir. Plus mignon. Ouais ouais bah là c'est hyper mignon. J'ai envie de me balader dans une prairie voilà. Avec des petits papillons. Ouais. J'en mets juste un peu. Quand la lueur bleue du tube apparaît. C'est mignon. Très très très mignon. Voilà. C'est un nouveau locataire. Mignon froid. Très discret. Parce qu'il parle de. Enfin, c'est très poétique quoi. Si loin de vous. On a plein d'autres morceaux à mettre. Je te propose mais c'est très bien. C'était pour donner une autre approche de la mignonnerie. De la mignonnerie, mais du coup, ouais, et de ce groupe oui, moderne. Bien sûr, ouais. Voilà. Qu'est-ce que. Qu'on peut mettre après. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui de plus satisfaisant? Qu'est-ce que j'ai quoi? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui de plus mignon? Dans ma journée? Ouais. J'ai pas fait grand chose. Mais non, un truc mignon, je sais pas. Un truc mignon? Ouais, ou de regarder dans le ciel. J'ai mangé avec Yacine. Ah, c'est mignon. Et Quentin et Elsa. Ah oui. C'était un repas très très mignon. On a mangé des pâtes au poivre avec une salade de tomates. Ok, super. Donc c'est assez mignon quand même. Ouais, ouais, c'est mignon. Il y a une mignon. Proximité. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, un repas assez simple. Assez simple, mais la mignonnerie peut être simple et toujours aussi savoureuse. Ouais, hein, ouais. Ça, c'est vrai. Super, merci. Merci pour ce témoignage de vie. De vie mignonne. C'est quoi, on reste dans le même registre ou est-ce qu'on reste dans le français? Un petit peu, ouais, je pense. Ouais, ok. Si ça te dérange pas. Non, absolument pas. Moi, je suis très bien. Au moins un morceau. Alors, qu'est-ce que tu vois tout là? Alizé, non? On peut mettre Alizé. Pour la mignonnerie, c'est. Voilà. Allez. Après, on changera de registre, hein, mais. Ouais. Allez, on met ça. On reste un peu là-dedans. Tout le monde doit. Allez, on le met. Allez, on en parle après. Allez, c'est parti. Merci. Attends. Je voulais savoir si tu m'aimes. Parce que je t'aime. T'as pas 200 francs? Si. Je te les rendrai. Non, c'est pas grave. Garde-les. Je m'appelle Lolita. Le rubis à l'un du pareil au même. Je m'appelle Lolita. Quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand bouche ma langue, j'ai la. Tu sais où? Dégage! C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, Hello Elitea, moi Lolita. Moi je m'appelle Lolita. Collégienne au bar. suis un peu fatiguée. Thank you. très très très beau morceau. Hyper sympa. Hyper sympa. Oula. C'était Franz Chrysler. Fritz Chrysler. Chrysler. Preludium and Allegro. In the style of Pugnani. Ouais. Pugnani. C'est un morceau pour violon. Ouais. Que bah ça c'est un morceau et qui et piano et bah piano quoi, c'est l'accompagnement mais c'est ouais, vraiment d'accord. La partition et pas okay, okay. Et c'est un morceau qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un morceau que j'ai commencé à jouer quand j'ai arrêté le violon. Ah oui. Donc ça c'est pas mal. Ouais ça. Bah oui non mais c'est un peu le c'est un morceau de la fin quoi. C'est le morceau de la fin, c'est ça, c'est vraiment j'ai commencé à faire le début et j'ai arrêté 3 mois après. OK. Donc je ne pourrai jamais jouer ça. À moins que tu reprennes le violon. Ouais mais bon c'est mal barré. C'est mal barré là. Franchement ouais. On verra plus tard. Et donc, ce qui est remarquable, c'est la vitesse sur les doubles cordes, c'est ça. C'est bah, c'est surtout les doubles cordes. Après, la vitesse, c'est. Ouais. C'est plus facile. C'est plus facile, mais c'est pas le plus dur en violon, la vitesse. Tu vois, ouais. C'est vraiment l'agilité des doigts et surtout vraiment ouais les doubles cordes parce que c'est tu fais 2 notes en même temps, donc pour enchaîner 2 notes en même temps sur 2 notes différentes juste après. Ouais. Avec la vitesse, c'est. C'est quoi l'intérêt de faire 2 notes alors c'est juste une sonorité différente ouais, et c'est plus rustique quoi. Ouais, ouais. Parce que c'est quoi les écarts entre les notes il y a combien de demi-tons entre chaque corde pardon. Je sais pas du tout. Ah, ouais. J'en ai aucune idée, j'ai pas suivi mes cours de solfège. Ah, si c'est do ré mi fa sol la si do. C'est entre chaque corde non. Non, c'est la gamme. Oui oui mais entre chaque t'as plusieurs cordes sur le violon. Ah c'est. Tu vois, sol, si tu l'as fait à vide. Ouais, ouais, sol, ré, la, mi. D'accord. Donc là, il jouait ré, la ou je sais pas quoi. Enfin, bah, bon, bref, oui, ouais. Tu peux faire un double corde en ré, la, en la, mi ou en... Donc, ou en... ré, fa, sol, la. Donc, t'as, fa, mais, sol, mais la. Tu donc, peux, t'as 3 demi-tons différents. Mais tu peux pas faire une double corde en do, la, par exemple, tu vois, parce que... Ouais, ouais, c'est parce trop dur. Il y a une corde entre les deux. Ouais, ouais. Yes. Tout simplement. Tout simplement. Merci pour ce petit morceau qui allait bien avec Alizé dans une sorte de un peu de dramaturgie comme mm-hmm. ça de voilà hein, c'était un peu dramatique quoi. Bah, bien sûr mais il y a aucun souci et très émouvant je vais très ouais moi je vais mettre un morceau un peu plus léger qui n'est pas en français voilà ouais je mets ça c'est ah non c'est pas ça que je voulais mettre pardon. Je n'ai rien dit, c'est un morceau de Talco. Ça s'appelle The Hustle, tu vois, c'est un morceau très très sympa. Très sympa, ouais. C'est Italo Disco du coup. Ouais. Okay. Enfin, apparemment, c'est bah, d'après. Ouais, bah, c'est une compilation, mais pour moi c'est. C'est pas de l'Italo pour toi ? Bon, on en parlera après. Ok, d'accord, voilà. Ça marche. Bon bah, allez, j'écoute. Merci, on y va. Très sympa, tu vois. Très très sympa. Ouais. Thought you shook your body and you moved your feet and you felt like dynamite. Try to open up your ears and listen good. It's about a TV Hollywood. Yes, et ouais, donc j'ai un peu coupé le morceau The Hustle. The Hustle. The Hustle, ouais, de Talco pour pouvoir mettre avant l'heure un dernier morceau que tu as amené. Bah, tu as mis un et morceau mis juste un avant, morceau, hein, une création de Nico. Une création de voilà, faite avec Deflet Mask. Et je. Voilà. Big up à Ben qui m'a donné l'information de l'existence de ce tracker. Voilà. On va mettre Sarah Band, Habibi. Je te remercie Tristan d'avoir passé cette heure avec moi. Bah, c'était un plaisir. On et continue sur le flux les entretiens de Grenoble si tu veux. Bien sûr, ouais, avec plaisir. Et puis pour une séance peut-être un peu moins mignonnerie, mais plus. Voilà, plus pointurie. Pointu, ouais. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonne écoute. Bisous. Yes. Inshallah, all on the verkalas. I want you, shwaya, shwaya. Yes, ça continue sur les entretiens de Grenoble avec Tristec, Tristan. Tristec 2000. Tristec 2000, ouais, c'est toujours... Ah ben, il y a un autre morceau qui enchaîne. Bon. C'est toujours un surnom usité. Bien sûr, ouais. Ok. Très bien. Tristec ou la Kalash, c'est la Kalash, ouais. À vous de voir. Ok. Sarah Band, super. Donc, ouais, on disait un peu nippo-arabisant. Voilà. Très bien. Super morceau. On va continuer sur une vague très mignonne, hardcore mignon quoi. Hardcore mignon ? Ouais, enfin. Ouais. Maintenant là, ouais. Si ça, ouais. Bien sûr, moi ça me va. Hein. Comme ça, vu qu'on a plus de vraiment de barrières quoi. Là, c'est fini. Là, on a. C'est fini, ouais. On a franchi une étape. Voilà. Les gestes barrières sont non, finis. Non. On a enlevé notre masque. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est ça, exactement. Donc on y va à fond. Qu'est-ce qui... Enfin, si tu veux, encore, bah mais... Oui, bien sûr, mais c'est à toi, hein, c'est à toi. Ah oui, c'est à moi, c'est vrai. Alors, moi, je vais mettre... Étienne Dao et Daniel Dark, un morceau sur Paris, voilà, qui s'appelle La Ville. Voilà. Très bien, j'ai hâte d'écouter ça. On écoute ça. La ville est pleine de méchants, la ville est pleine de bruit, la ville est pleine de cris. La ville est pleine de flics, la ville est pleine de trafic, la ville est pleine de tueurs. La ville est pleine de voleurs. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que la ville pour me plaire. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Juste la ville. La ville est pleine de putes. La ville est pleine de disputes. La ville est pleine d'ordures. La ville est pleine de blessures. La ville est pleine de fous. La ville est pleine de dégoût. La ville est pleine d'ennui. Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que la ville pour me plaire. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Juste la ville. Le brouillard sous la ville m'empêche de voir les yeux des filles. Alors je crois qu'ils sont bleus. Je me souviens des tiens. Ouais, ils étaient bleus. Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que la ville pour me plaire. Oh, j'en ai rien à faire. Juste la ville. Qu'est-ce que ça peut faire? Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Juste la ville. Juste la vie. toi, Tristan, tu préfères la ville ou la campagne? La ville. La ville, hein? Je suis très très ville, pour ouais. Peut-être ces raisons. Grenoble, bah, quoi. Grenoble, c'est une ville. Bah, Grenoble, c'est la plus belle ville de France, de 1. La plus agréable et la plus chaleureuse. Paris, t'es déjà allé à Paris? Je suis jamais allé à Paris, justement, encore. Hein, vraiment. Parce que là, ouais. Il parle de Paris. Hein. Ouais, je sais, mais j'adapterai cette chanson avec Grenoble, tu vois. Ouais, bien sûr. Hein. Flic, mais, trafic, ouais. Bah, après Paris, ça m'attire pas trop, tu vois. C'est... Mm-hmm. Après, j'y suis jamais allé, mais c'est l'idée que je me fais de Paris qui peut être sympa pour un séjour, mais pas y vivre, quoi. C'est un peu trop oppressant. Yes, c'est vrai, c'est l'idée qu'en ont les gens qui n'y vivent pas. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu confirmes, du coup, cette idée? Oui, je confirme. Je crois confirmer. Toi, t'es plus campagne? Moi, je suis aussi Grenoble. Pourtant, tu viens de la campagne. Oui, bah moi, j'ai cherché à fuir la campagne le plus rapidement possible. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, t'es comme un poisson dans l'eau. Là, je suis... Ouais, exactement. Et Paris, quand j'étais étudiant, j'ai rêvé... Enfin, j'ai toujours un peu caressé l'idée d'aller y vivre, mais je n'y ai jamais vécu. Et j'ai toujours eu des liens avec cette ville par les gens que j'y connais. D'accord, ok. Donc comme tout le monde, en fait. Ouais. Je crois tout le monde connaît quelqu'un qui est à Paris, Bien sûr. Voilà. Comme à Lyon. Par contre, je ne connais plus personne à Lyon. Bah, j'espère, tant mieux. Au fil des années, je me suis débarrassé de tous les gens que je connaissais à Lyon. Tous les Lyonnais. Voilà, il faut se débarrasser de tous les Lyonnais, hein, tu as raison. Voilà, bon. Bon, Bref. Qu'est-ce qu'on met après? Grenoblois, ben, ce que tu veux. Mais par contre, c'est mieux peut-être si tu dis pas le titre, mais ça va être compliqué en même temps vu qu'on fait ça en direct. Mais tu pourrais, ben, je sais pas, ça là, c'est quoi? Pardon, c'est pas moi trop, ça. Hein. Ah, c'est pas toi, pardon. Tu peux mettre, oui, c'est vrai. Non, ouais. Ça. Ça. Ah, ouais, non, c'est ça. Ouais, ok. Ça c'est bien, ouais. Ok, c'est parti. Donc Italo, un petit Italo. Très sympa. Très sympa, ouais. Très mélodique. Très connu. Ah mais non, mais ça c'est un... Non, c'est pas Italo. C'est pas la version, on va voir ce que c'est. C'est un remix, enfin, on va dire le nom. Ok, allez, on dit pas le nom et on écoute ça. Thank you. like right now. Now you are my. That's you. faut un peu expliquer. Donc on a écouté Florence avant, ce morceau-là qu'on est en train d'écouter. Et c'était Trading Love. Donc l'anecdote que j'avais sur ce morceau, c'était que je l'avais trouvé à une brocante à Dornenay. Bon, voilà. Voilà. Mais que donc comme tu peux pas écouter les morceaux, ben j'avais mon portable et donc grâce au portable j'ai pu, tu vois, faire la sélection. Bon, bref. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout. C'est pas une anecdote très intéressante. T'as regardé le nom sur le vinyle. J'ai regardé. T'as fait la recherche sur ton téléphone. Alors avant ça, il y a un jugement esthétique qui. Ouais, bien sûr. Donc je vois une pochette qui m'a l'air intrigante, intéressante, où tu sais par la pochette. T'arrives quand même à cibler si c'est un truc naze ou pas, tu vois. Bien sûr. Donc quand tu sais pas trop, ben voilà, le nom, le morceau, et puis voilà. Elle était comment cette pochette du coup? Alors c'est... Bon, on peut regarder, c'est ouais. Trois, non, plutôt utiliser mon souvenir. Donc il y a, comme ça c'est plus visuel, donc il y a une photo de trois personnes, de trois jeunes hommes qui se rasent en fait, donc qui sont torse nus. Et qui se rase. Ouais, ouais. Voilà. Dans des positions différentes, tu vois, l'un il est de face, l'autre de profil, l'autre un peu de dos. Il y a le nom du groupe marqué en bas à gauche, je crois, assez petit, et le nom du morceau en haut à droite. Donc tu sais pas trop quel est le nom du groupe et quel est le morceau. Et puis il y a des bandes un peu multicolores. Ok, voilà. D'accord. Voilà. Bah moi je vais bien voir, ouais. On peut la trouver, je pense, tu penses ? Ouais, je pense, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Voilà, donc, et en plus donc les paroles sont assez difficiles à comprendre, enfin c'est ce que j'aime beaucoup. Ouais, ok, d'accord, ouais. Ah oui, non, c'est pas multicolore. Ouais, elle est belle, hein. Ouais, elle est très belle. Magnifique. Oui, en fait, pour moi les personnes étaient plus. Ouais, bah je la voyais pas du tout comme loin. Ça, moi. Ouais. Ah merde, donc j'ai très mal décrit. Non, c'est pas que c'est mon imagination qui était différente, je sais pas. C'est... Mais donc il y a bien des personnes qui se rasent. Ouais, ok, d'accord. Putain, elle est super belle, ouais. Ah oui, si, voilà, c'est ça. Ok. Donc il y a bien ces petites. Ouais, les petites bandes multicolores. Voilà. Florence, ah merde, on peut pas avoir la. Pardon. Bah, et donc. Ouais, voilà, alors avec. Voilà. Voilà, Florence Magic. Okay. Ah oui, donc non, mais on reconnaît bien quand même le. En fait, ce qui se passe, comme souvent, le titre est en plus gros caractère, et plus mis en avant, le titre du morceau, que le nom du groupe. Ok, ah donc c'est ce moi. Ce qui pousse à penser que. C'est pas le nom du groupe quand même. Voilà, ouais. C'est ce qui est marrant. Donc, trois personnes qui se rasent avec des cigarettes. Et là, on écoute un album de Steve Morgan. Donc, qu'on vient de découvrir. Qu'on vient de découvrir, qui a fait une compile. Sur laquelle est sorti le morceau, le remix du morceau de Gazebo. I Like Chopin. Voilà, I Like Chopin. Ouais. Voilà. Et du coup, très bizarre. Très bizarre. Bah, Steve Winnie, toi, du coup, c'est celui qui a fait la compile. Et, ouais. Et Gazebo a fait un deuxième remix, du coup, si j'ai bien compris, bah, pour cette compile. Il a fait un remix parce pour cette compile. Il avait déjà fait un remix de base, celui que tu connaissais. Alors, il a pas fait de remix, c'est lui. C'est lui qui a fait le morceau, en fait. C'est lui qui avait fait le morceau. Ouais, I Like Chopin, c'est lui. D'accord, ok. Et donc là, il a remixé son propre morceau. Voilà, ouais. Pour cette compile qui est sortie en 2014. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Et donc, Steve Morgan fait ce genre de musique New Age, down tempo. Il est russe. Ouais. Voilà, là, on est quand même dans la mignonnerie. Ouais, bah c'est très mignon, comme tout à l'heure. Hein, c'est. Ça nous rattrapera toujours. Hein. Ah, c'est joli. Hein. C'est mélo, ouais. Ouais, c'est beau. Ouais. Une sorte de flûte, la flûte synthétique. Ouais. Voilà. Et l'album s'appelle Magic War. Ah non, c'est la compile, ça. Non, c'est l'album, ouais. Magic World of Illusion. Ouais. Avec une pochette très intrigante. Hein. Je vous invite à aller la voir sur YouTube si ça vous intéresse. Ouais, c'est intriguant. Ouais. C'est intriguant, ouais. Osé. C'est Star Wars, mais aquatique, quoi. Star Wars aquatique, ouais. Mais ça va avec l'ambiance de la musique au final, je trouve, tu vois. Ça s'accorde quand même. Ouais, enfin, ouais. Ce côté l'univers, l'eau, cette grandeur. Oui. Je disais la pochette, quand on regarde juste la pochette, on s'attend à quelque chose de bien pire. Ouais. Ça peut être tout et n'importe quoi en fait, je trouve, suivant là. Ouais. ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Mais allez voir Steve Morgan, c'est Inédit. S-T-I-V-E. Donc c'est la première fois que je vois Steve écrit comme ça. Ouais, ouais. M-O-R-G-A-N. Voilà. C'est la première fois que je vois écrit Morgan écrit comme ça aussi. Bon. Heure 30 d'émission, on peut peut-être on continue, hein, ça va. Ouais. Ouais. Comme tu veux, ouais. Ouais. On en met une autre. On en met une autre. Bah vas-y. On peut mettre. Savage. Ah merde. Faut pas dire le nom. Non mais ça va. Personne ne connaît Savage. Ouais. Si. Peut-être. Hop. Ah ouais. The Best of Ambient. Ah ça doit être pas mal. Ah, il fait des vues quand même. 318 000 vues. Ouais. L'ambiance, ça marche. Hein. Mmh. Ça marche bien, l'ambiance. J'ai l'impression. Allez. Yes. Ben, c'est un peu la fin là, de l'émission, hein, parce que là on a un peu... La fin à retardement. Hein, la fin à retardement, ouais, il y a eu un blanc, mais qu'on coupera au montage. Au montage, ouais. Exactement. ce soir c'est la demi-finale, tout le monde a parié. J'ai parié beaucoup, j'espère gagner. Voilà, donc... Force aux joueurs. En fait, t'aurais pu aller te coucher tôt et puis attendre demain le résultat, tu vois. Mais ouais, t'as envie mais de je veux des sensations, moi. Je veux de la sensation vibrer. Voilà. Enfin, c'est ce qui m'intéresse, quoi. Oh en mode, mais vas-y. Et merde, voilà. Putain, j'ai perdu. Putain, fais chier, quoi. En même temps, tu vas... Je vais pas perdre, non, mais je suis sûr de moi, j'ai parié sur Lyon. C'est, donc les sensations sont. C'est des sont au rendez-vous. Succédanées de sensations. Exactement, là. Ça fait longtemps que j'attends ça. Ouais. Bon, on va le regarder ensemble, hein, d'ailleurs. Ouais, on y va, là. Tu veux mettre un dernier morceau avant d'y aller? Ou pas? Pas forcément, hein. Mais bon. Bah, on peut mettre un petit dernier, ouais. Bah, allez. Ouais. Classique, ouais, on met ça. Ouais? Classique. Allez. Ah, merci. Ou Joe le Taxi, peut-être. Ouais. Joe le Taxi, très bien. Très, très bien. This is Now That's What I Call Music. Pas mal, cette compil. Ouais. Merci à et tous, ben, merci sur Tristan. Sur ce magnifique morceau, bisous, ouais. Et bonne soirée. Bisous. Et bon match pour ceux qui vont le regarder. Yes. Bisous. Salut. Salut. Bienvenue, c'est Joe. Mais non.